Julian, un zi frumos, nu? Da, e un zi frumos, Algerino. Algerino, qu'est-ce que tu fais? Il en est où, mon tube, là? Il n'y a pas une danse de l'épaule, un truc? Je crois que je vais t'attendre combien de temps? Ah ouais, mon Algerino, ah, bah, je te le dis, bah ouais, je vais pas attendre que l'OM gagne le championnat. Cine? Un client. Malade. Unde-i Florin? Te așteaptă. My friend. Please. Orientage. Et si on allait danser Marrakech ou Saint-Tropez?